je convoque Hanouna. Ah, vous l'aurez entendu ici en première. Hanouna en duel 1v1 octogone Mario Party. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans les compères. L'émission de Foncon Millennial où on est on review les épisodes de la putain oh non j'aurais dû boire c'est compliqué ça de la série The Acolyte. Je suis Gruskov, mais vous pouvez m'appeler Maître et je suis accompagné aujourd'hui de mon fidèle compère Adrien. Comment s'est passée ta dernière mission? Oh là là, c'était une semaine relativement chargé, hein, dans tous les sens du terme. On a eu chaud au cul, hein, on va pas se mentir. Mais on l'a fait. Et voilà, ça fait du bien un peu des fois. Un petit peu quand même. Mmh. Voilà. Et toi? Oui. Moi, j'avais deux élections en, ici, en Angleterre. On avait les trucs. Et ça s'est plutôt passé sans accro, des deux côtés. Donc, ça va très bien. J'étais très malade. Je pense que, si vous avez écouté le dernier Faut qu'on en parle, vous l'avez peut-être entendu, mais ça va mieux. Let's go. J'avais une fièvre super chelou, c'est Tuki qui me l'a donné, et c'était une fièvre le genre de fièvre qui te font mal aux os, tu sais. Je sais pas si t'en as déjà. La fameuse fièvre du samedi soir, avec John Travolta. Et c'est tout pour cette semaine, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour discuter de l'épisode 7 de The Acolyte. Bye! Ok, aujourd'hui... Mais un faux générique à ce moment-là. Aujourd'hui, nous allons attaquer l'épisode 6 de la série. Teach / Corrupt, écrit par Leslie Headland et Jocelyn B-I-O-H, et réalisé par Hanel Culpepper, qui aussi fera le dernier épisode de la série. Alors, mon cher... Qu'est-ce que tu fais, Adrien? Là, je suis en train... Ah, je croyais que t'étais dans ton lit. Je suis en train de regarder les... comment... Je suis en train de regarder le qui est Hanel Culpepper. J'ai vu que cette personne a fait les trois premiers épisodes de la série Picard. Oh d'accord, ouais, c'est une réalisatrice de série a priori. Ouais. Donc a eu des nominations et tout. La première réalisatrice femme noire américaine qui a lancé une série Star Trek. Ouais. Voilà. En réalisant les premiers épisodes de Picard. Et c'est quand même cool. Voilà. Bah ouais. Ok, très bien. Et alors du coup, cher compère, qu'as-tu pensé de cet épisode sans spoilers? Bah, c'est un épisode qui prend plus son temps que les autres, qui paraît extrêmement court. C'était... bon... On n'était pas loin de voir le cucu de Jason Mendoza. Le cucu et la bibite. Mais, le cucu et la bibite, hein. Mais malgré qu'on l'ait pas vu, c'était quand même un épisode sympa. Et voilà. Non, moi j'ai trouvé ça sympa. C'est un épisode qui est pas extrêmement comment. C'est un épisode de transition, hein, sincèrement. Mais voilà, je suis plus fait le taf. On lui souhaite beaucoup de bonheur dans sa transition. Absolument. Et toi alors, mon petit Grushkov, qu'as-tu pensé de cet épisode? C'était, moi je pense que justement ça faisait du bien d'avoir un petit temps mort comme ça, parce que en plus, avec le cast réduit maintenant, on a pris un peu plus de temps pour établir un peu plus les personnages restants, leur donner plus de temps aussi, sans forcément avoir de dialogue, juste de les observer un peu, ce qui est quelque chose qui manquait un peu, de leur laisser plus de temps. Et du coup, au final, l'épisode il fait toujours la même longueur que les autres, mais on a plus l'impression de voir, surtout après, avec toutes ces émotions, surtout par exemple Sol, qu'on voit de un peu différemment. Et ça, c'était très bien. Mais tu vas voir que peut-être qu'on a un peu plus, qu'on a quand même pas mal de choses à parler. J'ai fait une guideline et on a quand même pas mal de choses à dire. Ouais. On va très bien. Maintenant, si vous ne voulez pas de spoilers, vous pouvez désormais quitter cet épisode. Nous allons aller un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué dans cet épisode. Oh merde, attends. Ça me stresse si je dis deux fois cet épisode. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, zone spoiler. Oui, cette fois-ci, j'ai fait exprès de dire 3, 2, 1. Je l'ai fait en toute connaissance de cause. Adrien. Déjà, avant qu'on commence, on remarque le titre de l'épisode. Les sœurs sont à nouveau séparées, et du coup, le titre de l'épisode a repris la formule des deux premiers avec le slash au milieu, avec une partie teach, une partie corrupt. Ce qui est intéressant, parce que j'ai l'impression que ces deux choses se passent exactement au même endroit, en fait. Je dirais pas que Sol apprend ou corrompt quoi que ce soit. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais, ouais, c'est un épisode qui est... Vis-à-vis de son titre, je m'étais pas posé la question, je t'avoue, mais... mais c'est intéressant et ça montre à quel point, encore une fois... En termes narratifs, enfin d'un point de vue narratif, c'est relativement bien ficelé cette histoire. Ok, d'accord. Mais genre, je sais pas quoi te répondre d'autre pour Cher Grushkov. Non, voilà. Ok, c'est très bien. Bon, du coup, Osha se réveille sur une planète qui ressemble énormément à une autre planète qu'on a déjà vue dans la série, Oui, dans le premier épisode et dans la saga. Et ça ressemble à Actu, la planète où Luke est parti en exil. Mais Leslie Headland a confirmé que ce n'était pas le cas, mais que c'était fait exprès. Elle a dit, c'est pas ça, mais la ressemblance est faite exprès. Purée, j'avais pas vu ça, moi. Ouais. D'ailleurs, il y a... Ouais. Laisse-moi vérifier vite fait, parce que je me souviens plus, mais j'ai vu pas mal de gens proposer une autre planète, Cortosis. Où est-ce que le Cortosis, d'où est-ce que ça venait déjà? Laisse-moi regarder dans Legends. On m'a dit que sur la planète Baldemnik, dans le Legends, c'était un peu la même description, et c'était là-bas qu'il y avait le Cortosis, du coup le métal du casque, des bracelets de Kymir. Ah ouais. Du coup, ça pourrait venir de là, surtout qu'on sait que Leslie Headland, le Legends, voilà, on va pas le redire encore une fois. C'est son dada. Mais c'est probablement ça, et puis... Mais c'était rigolo, parce que du coup, on voit des petites coucougnettes dans l'épisode. Oui, c'est adorable. Des petites coucougnettes, mais qui ressemblent beaucoup au Sirentala dont Luke boit goulûment le lait dans The Last Jedi. On ressemble aux grosses coucougnettes, finalement. Ouais, au final, c'était du jus de couille qui est bu. Yes. Bienvenue dans Faucon Millenial. Ah, le jus de couille. Mais oui, toi, ça t'a fait bizarre aussi de le reveal de la planète. Bah, en fait, je savais pas trop quoi en penser et tu vois, tu m'aurais pas dit que Leslie Headland avait dit que c'était pas Actu. ça m'aurait jamais choqué, tu vois, que finalement on me dise ouais c'est Acto, mais ah, c'est oui. juste un autre endroit ou quoi, parce que ça ressemble quand même beaucoup. Après on a déjà vu ces planètes dans la série, c'est ce que je disais dans le premier épisode. Ouais, et en fait déjà à ce moment-là ça m'avait fait penser à Acto, là en l'occurrence encore plus forcément, mais c'est vrai que moi j'ai bien aimé parce que parce qu'il y a des petites coucounettes et il y a même un bébé petite coucounette. Oui, il y a une famille, d'ailleurs en fait. Je l'avais même pas vu la première fois, je l'ai vu que la deuxième fois, le bébé coucounette. Mais c'est vrai que c'est pas mal comme coin, et même tu sais les vagues et tout, là, je trouvais que la géographie du lieu était quand même relativement stylée, et même la grotte elle fait un peu sale, et mine de rien ça fait pas, c'est pas tellement un truc que tu imaginerais appartenir au côté obscur comme on l'entend d'ordinaire. Ouais, ça on fait pas très maître du côté obscur, hein, je trouve. Ouais, c'est ça. On dirait vraiment juste que, ouais, en fait, The Stranger, c'est Kaimir, c'est vraiment juste un paumé, en fait. Et ça confirme ce qu'on se disait juste avant. C'est peut-être plus un weeb du côté obscur qu'un vrai site. Ouais, et peut-être qu'on va explorer ça un peu plus par la suite, mais du coup on a le titre de l'épisode et on retrouve Sol qui essaye de contacter Coruscant, mais le réseau est pas terrible sur Koffa. Du coup ça fait une case de mon bingo, faudrait qu'on la ressorte au bingo. Ah ouais, C4. Et ouais j'avais en gros il y a une case, j'avais mis genre oui les communications sont ne marche pas, incroyable. On va devoir se débrouiller tout seul. Donc voilà, je l'avais écrit. Il laisse May déguisé en Osha piloter le vaisseau jusqu'à leur le petit truc qui leur permet de passer en hyperespace. Pendant ce temps-là, du coup, lui, il va essayer de débrancher et rebrancher Internet. Et on a même dans la galaxie lointaine très lointaine, ça c'est un truc qu'on fait quoi. Ah ouais. C'est pas que nous. Mais en même temps, ça veut dire, ça fait aucun sens. Pourquoi est-ce que des fois ça marche? Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, qu'est-ce qui fait que dans ton internet ça bug à ce point? Mais c'est trop bizarre. Comme voilà, si jamais vous êtes des techniciens internet ou j'en sais quoi, je sais pas, et que vous nous écoutez, rejoignez notre Discord pour nous expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que parfois, en débranchant, rebranchant, ça remarche merveilleusement? Dites-nous, moi ça m'intéresse vraiment. Voilà. On se pose des vraies questions, hein, faut qu'on oui. Là. Et du coup, pendant que, juste après avoir débranché Internet, on a un petit moment silencieux où on voit Sol qui il craque un peu et qui tape la console devant lui par frustration, besoin de sortir toutes les émotions qu'il est sûrement en train de ressentir. C'est pas très Jedi quand même, hein. Cette scène-là, je pense que c'est, et on en a eu des bons acteurs dans Star Wars, hein, mais là là c'est quand même assez incroyable, hein. ce qu'il arrive à jouer, ouais il passe par un peu toutes les émotions, ouais. C'est quand même assez vite. Mais depuis le début, hein, franchement, il a des yeux incroyables, hein, pour sortir ce genre de truc. Moi, ça me rend un peu triste parce que, comme j'ai dit, pour moi, c'était un peu le meilleur Jedi qu'on a vu, et plus ça va, plus on sait qu'on se rapproche de ouais. quelque chose d'horrible, et ça me rend triste parce que il est si bon. Il est si bon. Mais c'est sûr, c'est aussi pour ça, hein, que c'est un excellent casting, parce que, justement. Ouais, c'est clair. Il est si bon pour avoir l'air gentil et tout, que ça va être dur de voir. Mais c'est. Quand ça se c'est fou, bien. Quoi. Ces petits tremblements de bouche, là, quand il est sur le point de pleurer, il a les larmes aux yeux, il regarde à gauche, à droite. C'est vraiment, mais sincèrement, je je trouve cet acteur incroyable. Il était déjà dans Squid Game, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, mais quelle performance! Et dans une scène qui dure 8 minutes? Même pas. Mais c'est impressionnant. Ouais, même pas. C'est impressionnant. Il est vraiment trop fort. Et je suis content d'avoir vu ça dans un truc Star Wars. Vraiment. Une série en plus, tu t'en rendrais pas. Et une série en plus. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai dû poster un truc après avoir vu l'épisode sur notre serveur Discord que vous pouvez d'ailleurs rejoindre en cliquant sur les liens. Et non, je disais juste que voilà, le mec il vient tranquillou de lâcher l'une des meilleures performances d'acting jamais faites pour un Star Wars. Et peut-être j'exagère, mais moi je le pense vraiment. Il est trop fort. Voilà. Oui. Bref, next, pardon, faut pas me laisser parler sur Asian G parce que. Non, bah non, ça fait partie des reviews. Du coup, après ça, oui, Basil. Basil saves the day! Basil arrive et. Ah voilà, donc du coup, tu as dit. J'étais en train de chercher, désolé, tu as dit Lee Jun Jae, il s'est. Réveillé un jour et il s'est vraiment dit, vas-y, nique sa mère, je vais faire la meilleure performance jamais réalisée sur une série Star Wars. C'est vrai ou pas? C'est ça que t'avais dit. C'est vrai ou pas? Je pense pas qu'il s'est réveillé en se disant ça, il le fait juste naturellement. Ouais. Il le fait naturellement, le giga Chad, il est trop fort. Voilà, désolé pour cette petite interruption. Et oui, du coup, il y a Basil qui essaye de réparer Pip. Et qu'il y a une réale un peu différente de d'habitude, pas mal de jump cut, et je trouve que ça allait très bien à la scène pour le coup, et ça m'a fait plaisir. Ouais, c'est un épisode très Star Wars, pas dans le Goofy, tu sais. Les aventures de Basil. Ouais, c'est le héros de la série Basil. Hein, bah maintenant qu'il y a plus Yord, il a survécu à un Sith, il a sauvé un droïde, il arrive à démasquer une acolyte. Non, le mec il gère, il sait ce qu'il fait quoi. voilà, il est pas là pour déconner. Le Basil, il gère, voilà. Ça fait trop mal parce que il aurait pu essayer de donner l'information à Sol d'une manière ou une autre, mais non, il est parti. Il s'est ramené hein, son propre acolyte. En fait, The Acolyte, c'était Pip. C'est l'acolyte de Basil. qui fait une faciale à May, en plus. Oh, incroyable. Ah oui, purée. Incroyable c'est moment. C'est un peu plus tard, mais ouais. Incroyable moment, ça, dans Star Wars. Génial. On n'a jamais vu de facial dans Star Wars. Ça me rend tellement heureux d'en voir enfin une, officiellement. J'entends. Mais... non, mais en vrai, c'est... Basil, moi, je l'aime trop, vraiment. Je sais que c'est un perso, tu sais, de... C'est un peu un comic relief, et en même temps, il a son intérêt narratif, et je vois les filles qui sont autour, mais ça marche. Et en vrai, il est trop drôle, son design, il est trop bien. Les petits bruits qu'il fait, ils sont trop bien. Le mec, il te solote une acolyte sans problème. Enfin, il est trop fort. Il est vraiment trop fort, le petit Basil. Vraiment, j'espère qu'il va pas mourir. Là, tu sais quoi, ça y est, je m'en fous des autres personnages. Moi, je veux juste que Basil, à la fin, il survive. Ouais, voilà. Je le savais quand... Quand t'as commencé à parler de Basil, j'ai directement coché ma case de bingo, Adrien. et c'était quoi, 3 francs sur un personnage, un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Ouais, bah, et j'avais raison. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Mais c'est Basil. Voilà. Vraiment. Il est arrivé de nulle part pour voler clair. Le spotlight. Ah, il est génial. J'aime trop Basil. Voilà. Cœur sur Basil. Voilà, pour partir du coup de l'autre côté de du spectrum de The Acolyte, Kaimir prend un bain tout nu. Le cucu. Il laisse bien l'opportunité de à au chat. J'ai reçu un message. Casse-toi, dégage. Il laisse bien l'opportunité à Osha de le tuer si elle voulait, mais elle le fait pas. D'ailleurs, on a les deux sœurs dans cet épisode qui prennent, tu sais, les espèces de kunai de ah, Mayla, ouais. Et qui sont sur le point d'assassiner le maître de leur sœur chacune, et aucune des deux ne le fait. C'est vrai. Oh, mais en même temps, je suis désolé, hein. Mais ouais, t'as Mani Jacinto qui se dessape en face de moi. Je ne tue pas. Et c'est horrible. Et du coup, elle prend son sabre laser dans les mains et il dit, ça fait du bien, hein, d'entendre une dans sa main. C'est extrêmement sexuel. Non, mais cet épisode, il est extrêmement sexuel. Hein. Et c'est là où c'est rigolo, parce que c'est là où on a dit que c'était très goofy, très Star Wars et tout. Et malgré tout, tu me diras, Star Wars, il y a plein de références au sexe toujours, depuis toujours, mais là, c'est quand même relativement. Il y avait carrément Harrison Ford dans un des rôles. Ouais, c'est rien que ça. mais tu vois, c'est quand même là, bon, voilà. Là, c'est... Voilà, bon. Ouais, c'est trop drôle parce que, voilà, il lui montrait, regarde, je suis vulnérable et tout, et après, il sort du... il sort de l'eau pour lui montrer que, non, il n'était pas vraiment désarmé, en fait. Et puis, il lui dit un truc. Il lui dit, attends, si tu ne me rejoins pas, dans ce cas, je reprends mes fringues. Ouais, c'est ça. Il espérait qu'elle se dessape et qu'elle le rejoigne, mais attends, mais mec, tu t'es cru où, en fait? Est-ce que c'était peut-être... Il voulait lui dire tu pues, bon, ah, tant pis. Ça se trouve, elle ch'tingue, hein. peut-être qu'elle ch'tingue au chat. Non, mais après, quelle honte au chat qui refuse, quoi. Putain. Ouais, ouais. Je peux te dire, il m'aurait corrompu, hein. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il parle de... un peu plus tard... des différentes émotions qui peuvent aider à utiliser la force. Et évidemment, il y a la colère, la peur, tout ça, mais il dit aussi le désir. Du coup, est-ce que c'est vraiment corrupt ou est-ce que c'est seduce, l'épisode? Bah, les mecs, ils ont dit... Bah, toujours avec l'autre, hein, dans Star Wars. Séduit par le côté obscur, et il a dit « Oh, ok, d'accord. » Ensuite... Vraiment, à ce stade, il peut être de n'importe quel côté, obscur, lumineux, moi j'y vais. Hein. Pas de soucis. Du côté de Sol fait un câlin à May, et il s'apprête à lui révéler la vérité. Oups, il y a un souci de courant dans le vaisseau, ou je sais plus quoi. et c'est très drôle, parce que ça fait combien de fois qu'il est sur le point de révéler la vérité, il y a un truc qui se passe à un moment. Il est vraiment sauvé par le gong à chaque fois. Hein. Ah purée, à chaque fois il est « Oh, zut alors !»« Oh merde, c'est dommage !» Bon bah écoute... On verra ça un autre jour, hein. Allez, salut. Mais là, il dit un truc assez intéressant aussi. D'ailleurs, il dit qu'il va falloir qu'il fasse face au conseil. Du coup, en fait, le conseil est même pas au courant de ce qui s'est passé sur Brendock. Moi, ça me choque pas tant que ça. Non, mais on savait pas. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Ouais, en tout cas, ouais. Ça va être trop bien. J'adore. J'adore parce qu'on a, tu sais. C'est un Star Wars qui, et elle l'avait dit, hein, Leslie Headland, mais qui vraiment, tu sais, emprunte des sentiers relativement inconnus, tu sais, l'espèce de complot, des manigances un peu cachées, des secrets, tout ça. On n'avait pas trop eu ça jusqu'à présent dans les séries Star Wars. C'est cool. Bah oui, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que les Star Wars... ça me fait beaucoup rire parce que beaucoup de gens un peu en dehors du fandom et tout vont dire oh bah c'est de la science-fiction et tout, et c'est très rigolo parce que Star Wars c'est tout sauf de la science-fiction en fait. Oh my god, oui, tellement. Et tu sais que ça c'est un truc que je reprends souvent les gens avec ça, hein. Ah ouais. Les gens me disent que Star Wars c'est de la SF. La dernière fois j'ai entendu quelqu'un dire que c'était de la fantasy Star Wars, et j'étais genre oui, c'est incroyable. Enfin, faisait même pas partie du fandom ou quoi que ce soit. J'étais genre, Putain, il y a des gens qui comprennent ce qu'ils regardent. Et c'est fou, non mais c'est fou. Mais alors après, encore une fois, la fantasy, c'est très très large. Mais si on veut être plus précis, tu peux dire space fantasy ou science exactement. Fantasy. Mais fantasy, ça correspond tellement plus à Star Wars que juste... Enfin, que même l'appellation SF, vraiment... Ah bah oui. C'est tout sauf de la SF, Star Wars, on est d'accord. Bah ouais. Ce qui veut pas dire qu'il y a pas de un peu de politique d'intrigue politique parce que justement là on découvre qu'est-ce que c'est le bazar dont Vernestra parlait un peu au tout début de la série et en gros il y a un sénateur qui veut surveiller la police il veut que les Jedi leur rendent des comptes et tout et ça la DGSE, tombe, putain. Comment? La DGSE. Et là, ça tombe un peu mal, parce que bon, il y a quelqu'un qui tue des Jedi et tout, et Saul qui va probablement révéler tout ce qui s'est passé sur Brendok aussi. C'est vraiment... C'est le pire moment. Les Jedi... Ouais, non, chiant. Chiant. Mais pas c'est... Maintenant. Aussi intéressant parce que est-ce que le mec a vraiment tort de vouloir que les Jedi rendent des comptes parce que à chaque fois avec les Jedi on a quand même ce truc de bah oui mais c'est des gentils alors du coup ça va ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent sans être vraiment supervisés c'est Civil War mais en je sais pas. C'est Captain America Civil War, là. Ouais. Mais, en tout cas, Vernestra a pas l'air de vouloir que ça arrive. Donc, je suppose qu'elle a raison. Je lui fais plus confiance. Et elle décide, du coup, d'aller sur Koffar parce qu'il y a son... Est-ce que tu penses que c'est son Padawan, là, le gars? C'est quoi? C'est Mog? Oui, c'est son Padawan, je crois. Ouais. Elle l'a dit à un moment donné, je crois, il me semble. Elle aime bien les... Mais ce bon. Type de gars comme Padawan, ouais. J'ai l'impression. Ouais, c'est... Elle aime bien les grands blonds. Voilà, alors, c'est ça. En termes de Padawan, a priori, c'est bon. Et voilà, elle décide d'aller sur Koffar. Pendant ce temps-là, il y a Kaimir qui revient de... avec Osha de sa baignade. Et qui révèle que il était un Jedi il y a très longtemps. Alors du coup, on a débattu avec Tuki parce que Tuki pense, et je crois que c'est pas le seul, hein, que ça veut dire que il est plus vieux qu'il en a l'air, Kaimir. Ah ouais, tu penses? Enfin, vous pensez? Non, moi je pense que, il y a 16 ans, il était déjà presque un adulte. C'était il y a longtemps. Ouais. Donc le fait que Osha le connaisse pas et qu'il dise c'est très il y a très longtemps, pour moi ça. S'il a son vrai âge, ça marche aussi. Mais Chucky était vraiment en mode... Et je comprends en plus, parce que si on veut faire le lien avec Darth Plagueis et tous ces trucs-là, évidemment, avoir quelqu'un qui étend sa vie comme ça, ça pourrait avoir son propre sens, mais moi, je l'ai pas du tout pris comme ça, en tout cas. Je sais pas, moi je pense que c'est un perso qui est tellement mystérieux, moi j'adore quand on me permet d'être un peu, tu sais, quand on me donne pas tout, quand on me prend pas pour un con, quand j'aime trop, et du coup là il y en a plein de questions toujours, et on aura des réponses un jour je pense, mais ils sont pas obligés de répondre à tout en fait, non je pense. Mais après, il y a quelques trucs où je pense qu'ils vont nous donner des réponses. D'ailleurs, ils ont une petite conversation assez intéressante par rapport au fait que Saul, effectivement, au fil de la série, on le voit ressentir les autres à travers la force. Clairement, il sent la mort de Thorbin, il ressent la mort de Kelnaka et Osha, elle parle du fait que Saul a réussi à la trouver à un moment parce qu'il est puissant dans la force, et Kaimir lui dit non, Il a réussi à te trouver parce que toi, tu es puissante dans la force. Il a ressenti ta force. Et c'est intéressant de voir ça parce que je pense qu'il a raison. Et qu'est-ce que ça veut bien dire pour Osha? On va explorer ça un peu plus tard dans l'épisode, d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, ça cut pour les aventures de Basil et May avec, du coup, Pip et la faciale. La fameuse faciale. Et May, du coup, décide de reset Pip, qui devient... qui devient evil avec ses yeux rouges. Moi, ça me rend un peu triste. Oh, je suis sûr que Osha a une copie quelque part. Bah, j'espère, parce que ça me rend quand même triste. Voilà. Juste, vas-y, tu fous un coup de pied quand même à May. Et ça, c'est... Tu vois, encore une fois, c'est lui le rôle de la série. Hein. Il me fait trop rire parce qu'il lui fait des coups de pression. Mais comment il lui fonce dessus? On dirait vraiment un enfant. Il la regarde. Dans sa gestuelle. C'est ça, il la regarde. Il fait, ouais, il a vraiment la gestuelle de Warwick Davis à l'époque de Star Wars 6. Ouais, fait. C'est ça, c'est tellement, voilà. Voilà. C'est le petit bonhomme qui s'amuse, en fait. Ouais. Et je me demande qui est derrière le... Eh ben, je vais regarder ça tout de suite. Parce que vraiment, c'est... Je suis curieux de savoir. Désolé, pardon. Il est joué par l'acteur Hassan Taj, qui est... C'est un nom Star Wars, acteur... ça. Alors, attends. J'arrive pas à voir ce qu'il en est. Je crois que c'est un acteur de petite taille. Ouais, c'est pas étonnant non plus, hein. Il jouait déjà dans Solo et dans Star Wars 9. Ok, d'accord. Ah, il jouait R2-D2 dans Star Wars 9. En tout cas, c'est marqué contribution R2-D2 dans Star Wars 9. Ah, oh, c'est intéressant. Mais, ça. C'est lui qui gérait, a priori, ouais. Oh, et ben, bravo pour ton boulot. Bah ouais, c'est clair. D'ailleurs... Et je suis content de le voir dans... Ouais, je suis content. Vraiment, je suis content. Bah là, pour le coup, tu peux pas faire plus Star Wars. Hein. Ouais, c'est clair. Ah, puis il est à fond. Et je t'ai dit, vraiment, j'ai l'impression de voir vraiment Warwick Davis. Non, mais il a compris le rôle. Hein. Ouais, oui, je pense complètement. Ouais, et finalement, Jung-Chi, il est bien gentil. Mais le vrai King, le vrai Chad, c'est qui? C'est Hassan Taj. Et d'ailleurs, après avoir reset Pip, mais elle le met aussi sur un le petit corps. Là, on voit une espèce de boîte où il y a plein de d'exemplaires du corps que Pip avait avant. Et le truc, c'est que ouais. C'est un corps standard, alors que Osha, elle avait personnalisé le sien. Je suis allé revérifier sur la page de Pip et on pouvait voir du coup. Oui, j'étais pas sûr, mais elle avait écrit des trucs dessus, mis des stickers et tout. Et je pense que ça, c'est ça, et les yeux rouges, où Sol, il voit et lui en parle. Parce que je pense qu'il a, c'est comme ça qu'il comprend que c'est pas Osha, parce que Osha le traiterait mieux que ça, justement. Ah, peut-être. Pour moi, c'est Basile qui lui dit, mais... Mais Basil, il lui parle pas avant. Non, mais en fait, c'est le moment où... Alors là, pour le coup, on fait un flash-forward, parce que entre-temps, il se passe des trucs. Mais le moment où... en fait, le moment où Saul... où Saul stun... mais il y a Basil derrière, qui attend en mode « C'est bon, tu l'as eu ?» Et du coup, je pense que Basil a dû le prévenir. Même si théoriquement, il parle pas la langue de Saul... ça reste un... Enfin, Basil est Mais il est au-delà du temps, de l'espace et tout ça. Ouais, mais je préfère quand même si Sol, il a compris de lui-même, parce que sinon, putain, oui. C'est quand même pas très compétent. Mais je pense que les deux, en vrai, il a dû voir ça, et puis il a dû voir... Basile, putain, mec, affolé. Basile, tu sais qu'il avait bras. Mais mec, t'es sérieux, c'est pas au chat, gros con. Ça se sent. Abruti. Et alors, du coup, il la stun, et puis... pour ça qu'il y a Basile derrière qui est là, et en fait, voilà, c'est ça. C'est grâce à Basile, en fait. Et il faut que, vraiment que tu me fasses un jingle. C'est grâce à Basile. C'est grâce à Basile. C'est grâce à Basile. T'as les aventures de Basile. Putain. Mais on retourne du coup. On retourne du coup sur la planète inconnue où Khymr fait de la soupe. C'est très drôle parce que quand on regardait, j'avais dit que c'était de la soupe de couilles. Et après, on a vu les coucougnettes et je me dis. Maintenant, je fais le lien et je me dis, oh non. Est-ce qu'il. Miam. Comment ? Moi, je dis miam. Ah oui, ok, d'accord. Mais voilà, ils discutent un peu de la force parce que. Osha pense que. Que quand tu utilises pas la force pendant un certain temps, tu perds la possibilité de l'utiliser. Il lui dit que non, c'est pas vrai. Il y a d'autres façons aussi de se connecter à la force et de l'utiliser. T'es pas obligé de le faire de la façon des Jedi. Tu peux utiliser, bon, comme je disais, la colère, la peur, le désir. Et oui. Ouais. D'ailleurs, il parle du fait que et il lui fait le classique truc des Sith pour lui faire croire à Osha que les Jedi en ont rien à faire d'elle du fait que Sol il s'en fout et puis elle pense à Yord, mais et lui il dit bah Yord il était prêt à te jeter en prison pour un crime que t'avais pas commis. Oui, ok, c'est vrai, mais déjà il avait pas toutes les informations et comment il pouvait savoir que elle avait quelqu'un qui lui ressemblait exactement. Et surtout plus tard dans l'épisode 2, qui est-ce qui dit ouais, bah non, je l'ai vu, c'est pas elle qui a tué Thorbin, c'était Yord. Oui, c'est vrai. Mais ça, il en parle pas. Raison. Il lui parle que du moment où il s'était trompé. Et puis après, il parle de... comment il s'appelle Jackie, et du fait que la relation était à sens unique. Et là, alors là, ça, c'est juste un mensonge. Ça, c'est pas vrai, on l'a tous vu. Jackie, elle allait quitter l'ordre. Vous mentez. Pour Osha. Bref, il essaye de lui faire croire que les Jedi s'en foutent d'elle. Et puis, elle lui dit, contrairement à ma sœur, je suis pas si facilement corrompu. Du coup, j'ai chronométré, et après qu'elle dise ça, il ne se passe même pas 2 minutes avant qu'elle craque. parce que voilà, elle va. Je pense qu'elle va craquer. Bah, elle a déjà craqué, là, à ce moment-là. Non, mais définitivement. Je veux dire, devenir une acolyte. Bah, je pense que, avec ce qu'on va apprendre de. C'est ce que j'ai dit, hein. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Sol va être un peu jeté sous le bus par les Jedi par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je pense même que. Je pense plutôt, pardon, que Osha va le tuer. Ah putain. Je pense que... ou en tout cas causer sa mort. Et parce que je pense que... Ça dépend hein, de ce qui s'est passé vraiment sur Brendok et tout ça. Et le fait qu'il lui a menti et tous ces trucs-là. Ouais, je pense pas que ça va bien se finir pour notre cher Sol, et je pense que c'est Osha. Je pense que The Acolyte, c'est Osha. D'ailleurs, on n'a jamais vu May avec un sabre laser rouge, mais qui est-ce qui en a utilisé un, là, qui était prêt à tuer justement en utilisant sa, sa colère, sa honte de pas avoir réussi à être un Jedi. En gros, c'est ça qu'il utilise. Mais tout en lui disant, mais peut-être que il a implanté dans sa tête l'idée que t'as pas réussi en tant que Jedi, mais les Jedi, ils ont pas la seule façon d'utiliser la Force et tout. Ouais, il y a d'autres façons de le faire, et peut-être que ta façon à toi, et je pense que c'est le cas d'ailleurs, ta façon à toi, c'est d'utiliser d'autres émotions. Et je pense que oui, elle va devenir très puissante. Il y a peut-être même moyen qu'elle tue les deux, Kaimir et Sol. Ça serait stylé. Oh, ça serait grave stylé. Enfin, stylé. Non, ça me rendrait triste, mais genre, ce serait. Après, c'est peut-être pas ce qui va se passer, mais. Moi, je pense qu'elle va vouloir peut-être tuer Sol, mais que May va l'en empêcher. Peut-être qu'elle va tuer May. En essayant de tuer Sol. Ça serait vraiment une connerie pour le coup. Ouais. Peut-être qu'elle va juste massacrer tout le monde d'ailleurs. C'était elle, Dark Vador, tu savais pas. En fait, Basile, c'est elle. En fait, c'est elle, tous les personnages. C'est Osha. Dark Penis, voilà. Putain. C'est Dark Penis. C'est ce que j'ai entendu. Parfait. Je tiens à dire, je parle beaucoup de coucougnettes et tout ce soir, mais c'est vraiment ce que j'ai entendu. Le mec a la dalle. On a une petite scène de Vernestra avant de partir, où il parle du fait qu'elle est mal à l'aise dans l'hyperespace. Du coup, je voulais juste vite fait en parler pour les gens qui connaissent pas la Haute République. Vernestra est dedans quand elle est jeune. Elle est à peine un chevalier Jedi. Elle a été chevalier très jeune. Un peu un prodige. Et elle a un truc bizarre qui fait qu'elle a des visions quand elle est en hyperespace. Alors c'est des visions qui peuvent être... Alors déjà, c'est pas à chaque fois, mais ça arrive assez souvent pour être un souci. Et elle peut avoir des visions de n'importe quoi. Par exemple, son light whip, son sabre laser spécial, elle l'a fait après avoir eu une vision. Et elle peut aussi parler à des gens qui sont morts quand elle est en hyperespace. C'est chelou. Et du coup, oui, c'est compréhensible que... malgré tout, malgré toutes ces années, elle est toujours pas à l'aise quand elle quand elle est en hyperespace. Tout ça pour dire, Vern et compagnie arrivent sur Kofar juste après que Sol soit parti avec May inconsciente en hyperespace. On sait pas où d'ailleurs. Il est juste parti de manière random juste avant que les autres Jedi arrivent. On les voit arriver sur Kofar, réagir au massacre, évidemment. Et c'est là qu'il y a pas mal de trucs qui se passent. C'est très rapide, mais très très vite, il y a une suspicion envers Sol. Ouais. Et qui vient de la part de Mog le mais Vern dit pas que c'est pas le cas, hein. Lui dit ouh, c'est très grave comme accusation. Et ouais. Mais sans aller plus loin, et on est introduit à son light whip, ce qui est OK. Mais est-ce que c'est vraiment un hasard qu'on nous l'ait montré? Parce qu'on pourrait nous montrer Vernestra et tout sans jamais voir son sabre laser. C'est juste un personnage. Mais le fait qu'on ait montré son sabre laser, est-ce que tu penses que ça a d'autres implications, Adrien? J'en ai aucune idée en vrai. Parce que dans la scène suivante, On voit Kaimir, du coup, qui répare son casque. Et il soulève son t-shirt un petit peu. Et encore une fois, on avait déjà vu au début. Mais il a... sa cicatrice et Osha lui demande. Et il dit que c'est une cicatrice qui vient de quelqu'un qui l'a « thrown away » en anglais, quelqu'un qui l'a jeté comme une vieille chaussette. Et alors, il ne confirme rien, il laisse Osha poser des questions et il répond pas vraiment, mais la théorie de Osha, c'est que il a été poignardé dans le dos, entre guillemets, par son maître Jedi. Et alors, c'est intéressant parce que ça ressemble pas tant à une blessure de sabre laser que une blessure peut-être de fouet laser. Moi, je, pour paraphraser Vernestra, that's quite the accusation. Mais est-ce que tu trouves pas ça étrange qu'on nous montre ça, une cicatrice assez étrange et tout? Et le light whip dans le même épisode? Moi, je ne, enfin. Ok, mais, Vern, genre, torturé un gosse? Bah non, pas torturé. On ne sait pas. On a aucun contexte sur comment ça s'est passé. Ouais. Parce que il dit, j'ai été, jeté, c'est quelqu'un qui m'a abandonné, en gros. Est-ce que, du coup, il était pas en train de faire quelque chose de vraiment fucked up? Et elle l'a essayé de l'arrêter, et elle croyait qu'il était mort. Parce que, pareil, quand elle voit les cadavres et tout, à un moment, elle a un petit moment pour elle-même. Et elle dit, de manière pensive, something to tip the scales. Quelque chose pour modifier la balance, tu vois, pour rebalancer les choses. Enfin, moi, la façon dont elle le disait, j'avais l'impression qu'elle, c'était une quote de quelqu'un d'autre. Je sais pas si toi, t'as eu cet effet-là aussi. Pas vraiment, non. Non. Bah, non. C'est bizarre parce que j'ai vraiment. En fait, je sais pas. Elle est trop sus dans ces épisodes. Et je me dis pourquoi elle est de plus en plus importante maintenant. Vernestra. Ah ouais. Et du coup, je me dis est-ce que Brendok, ils avaient pas été envoyés et du coup, ça pourrait être juste Indara qui était au courant. Hein. Mais est-ce qu'ils avaient pas été envoyés juste à la base parce que il y avait potentiellement Kaimir là-bas? Ouais. Et du coup, c'est Vernestra qui les a envoyés. Et au lieu de trouver Kaimir, ils ont découvert les sorcières et ils se sont dit, bah, c'est un truc du côté obscur, donc c'est raccord ou un truc comme ça. Je sais pas. C'est chelou. Bah, c'est, ouais. Mais après, que peut-être que pensé, non, hein, pas du tout. Ouais, ouais. Moi, ce que j'avais pensé, ce que j'avais dit, c'est que justement, à mon avis, c'était que Kaimir a été, genre, dans une autre, on va dire, colonie, ou plutôt dans un autre, settlement, tu vois, ouais. que celui des Aniseya, et qui a en gros subi plus ou moins le même sort, que Mei et Osha. À savoir un rescapé dans un groupe de personnes qui utilisent la force et du coup il aurait pas dû s'en sortir alors qu'il il s'en est sorti quoi. Maintenant de là à porter des accusations sur Madame Ro, je ne pense pas, cher Grushkov. Je sais pas parce que la série te montre que les Jedi ils sont pas tout blancs, ils sont pas, et je trouverais, alors, l'idée est extrêmement bonne, hein, de faire de Vernestra, un perso, un peu ambivalent et un peu ambigu. C'est trop bien comme idée. Maintenant, ouais. Pourquoi, quoi? Pourquoi? Oui, si c'est le cas, je pense que il faudrait savoir pourquoi. Après, j'ai vu des gens dire que c'était carrément qu'elle était un site infiltré chez les Jedi maintenant et tout. Non, faut doser. Ça, j'irai pas à ce point-là quand même. Non, faut doser. Si c'est le cas, la vache, le spoil pour la pour les livres. Ouais, j'avoue. Non, en vrai, ouais, c'est intéressant parce que putain, toutes les semaines, Grushkov, toutes les semaines, on est là à faire des théories, à se dire, waouh, c'est bizarre, ça, c'est, j'adore, c'est trop bien. On n'a aucune idée de ce qui se passe. C'est trop cool. On avait grillé Kaimir dès le début, et en fait, putain, on était tellement loin de savoir ce qui allait vraiment se passer. Tu sais, c'est vraiment on a grillé Kaimir, mais tu sais, c'est comme si dans Lost, on aurait dit, ah ouais, ils sont sur une île, en fait. Exactement, ouais, c'est exactement ça. On s'en fout de ça, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important, c'est tout ce qui est autour. Et derrière, même, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est trop bien. Et vraiment, ouais, je sais pas si, alors, peut-être que Anestra a des trucs à se reprocher. Maintenant, pas des trucs aussi graves que ce que tu peux penser, je pense. À mon avis. Après, tout le monde fait des erreurs, hein. Enfin, tu sais. Absolument. Un souci qui se passe. Imagine ton padawan, il se met à massacrer des gens, par exemple, devant tes yeux. Bon, bah, tu vas pas le laisser faire. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, je lui donne un coup de main. Ah putain de merde. Non, non, je plaisante. Non, non, mais bien sûr, oui, t'as raison. Non, mais voilà. Clair, mais bon, on sait pas. Et d'ailleurs, encore une fois, je redis, hein, tout ça, c'est tout ce qui. Il dit rien. Il laisse au chat se faire sa propre idée. Des événements, il dit jamais si c'est vraiment ça. Moi, quand je l'ai vu, au début, je me suis dit, soit c'est le sabre de Venestra, soit c'est, de manière assez rigolote, une cicatrice de... rigolote. Une cicatrice de Force Lightning, par exemple. Ça, on sait jamais. Ouais. On sait jamais. Et du coup, ça pourrait être... Ouh, il s'est pris une déculottée par son maître. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un acolyte, parce que c'est ce que font les Sith. Ils se trouvent un apprenti pour pouvoir tuer leur maître, et du coup, après, l'apprenti va se trouver un apprenti pour pouvoir tuer son maître, et c'est le cycle des Sith. Et du coup, ça pourrait être juste ça. Ça pourrait être totalement différent de ce que Osha a pensé. En tout cas, c'est trop intéressant... de se poser la question, et je suis content. Oui, c'est fun. Ouais. On est là pour ça, on est là pour faire pour le fun. On est là pour... On n'est pas bien, là, finalement. Mais oui, là, avec nos coucougnettes et tout. Voilà. Avec notre gauche en tête, avec... Oh, putain. Mais, oh là là, mais j'aime oui, la vie. Mais voilà. Et puis les petites faciales, évidemment. Du coup, il parle aussi de son casque après ça. Il lui explique, voilà, c'est du cortosis. Il lui explique un peu tout ce qu'on a déjà dit dessus. Et lui dit dans son casque... Le mec a lu l'affiche Wiki. Hein ? Le mec a lu l'affiche Wikipédia. Hein, ouais, c'est vraiment, ça. Et il lui dit, voilà, quand tu le mets, dedans, il n'y a que toi et la force. Et ce que tu ramènes avec toi. Et... les vrais fans, comme moi, par exemple, se sont rendus compte que ce que tu ramènes avec toi, c'est ce que dit Yoda à Luke quand Luke lui demande ce qu'il y a dans la caverne chelou sur Dagobah. Il dit « Only only what you bring with you ». Tu fais vachement bien, Yoda. Non, mais attends, je suis étonné de pas savoir, de pas l'avoir su plus tôt, mais t'imites vachement bien Yoda, Grushkov. Non, vraiment. Moi, j'ai trouvé cette connexion super, super intéressante, et j'étais vraiment étonné que personne n'en parle. Mais voilà, mais je suppose que tout le monde est des faux fans, voilà. Ouais, si c'est vous, ça, moi si je suis un faux fan, je m'en suis pas rendu compte. Hein. De toute façon, les vrais fans, c'est ceux qui savent que Star Wars, c'est de la science-fiction. Et les vrais fans, ils ont arrêté avec l'épisode 6. L'épisode les vrais 4, fans, même. Ils ont arrêté avec l'épisode 4. C'était déjà trop. Ouais. Moi, je lis que le... Moi, je lis... Non, c'est pas vrai, attends. Je regarde seulement Flash Gordon. Ah, putain, incroyable. Ouais. Non, mais les fans de Star Wars, ils ont vu Tatooine dans le, au début de A New Hope, et ils se disent, c'est bon, tout le reste, c'est une fanfic. Ça compte pas. Bon, dès, bref. Dès qu'ils se barrent pour Alderaan, non, c'est plus canon pour eux. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que je consomme tout mon Star Wars. Tout est d'une fanfic, de toute façon. Et ça rend les choses beaucoup plus agréables, au final. Ouais. Bref, next. Oui, et ben du coup, l'épisode finit en parallèle avec, du coup, Saul, qui... il a l'air un peu menaçant, mais en gros, il dit à May que ça fait des années qu'il répète tout ce qu'il pourrait lui dire si jamais il se retrouvait l'un face à l'autre. D'ailleurs, il le dit pas de manière genre... Est-ce qu'il savait qu'elle était pas morte? De la façon dont il le dit, c'est assez suspicieux aussi. Je sais pas. Suspect. Il faut arrêter de suspecter tout et n'importe quoi. Oui, oui. Non, c'est mais... C'est bon, hein. Là, je suis sûrement un peu loin, mais c'est bizarre. Mais je sais pas, il a l'air un peu menaçant dans la façon dont il parle. Ouais. Mais en vrai, il a toujours ce côté un peu... En fait, il est imposant dans son charisme. Et de fait, des fois, il peut paraître un peu angoissant, je te l'accorde. Et là, l'épisode se termine vraiment sur Osha qui met le casque. Encore plus. Et on voit que dalle. Pardon. On voit que dalle. Je suis désolé d'avoir toussé. Non, t'inquiète. On voit vraiment que dalle, tu as raison. C'est très, très peu pratique, finalement, je pense, mais... Mais oui, mais bon, quand tu peux tout ressentir avec la force, est-ce que c'est vraiment un souci? Ouais. Ouais, non, mais je te... Voilà, je suis d'accord. Après, je te rappelle que la force est stockée dans les couilles, hein, Grouchkov. Bah oui, les petites couilles qu'on a vues, voilà, les coucougnettes. Parce que la force est stockée dedans. Des réceptacles de force, ouais. Voilà, c'est à la fois des réceptacles à foutre et de force. Oh putain, je suis vraiment désolé pour cet épisode. Non, c'était bien. Bah du coup, pour conclure, je propose de finir en parlant du coup de deux choses dans cet épisode qui nous ont marqué, que ce soit personnage, écriture, réalisation, décor ou quoi que ce soit. Quelles sont les deux choses que tu retiens de ce visionnage, Adrien? Basil le King. Évidemment, je le savais. Déjà. Et ensuite, le petit cucu en hors-champ de Stranger. Voilà. Voilà. Non, pour pas dire Yi Jung Jae parce que ça suffit. Mais voilà. Ouais. Moi, j'aime bien les méchants sexy. Et on a de la chance parce que dans Star Wars, on a beaucoup de méchants sexy. Ouais. Et c'est cool. Voilà. Ok, pour moi, tu sais quoi, un truc dont on n'a pas trop parlé, mais autant je suis pas un grand fan de May, le personnage, autant je trouve vraiment que Amandla joue vraiment super bien la différence, ouais, entre les deux personnages, et spécifiquement le côté un peu sauvage, chelou de May. Et là, May qui essaye d'être Osha et qui n'y arrive vraiment absolument pas. Je trouve qu'il y a un bon miroir aussi du fait que Osha lui a dit dans l'épisode précédent qu'elle est très égoïste et tout, et c'est vrai parce que elle croit tellement de choses, elle refuse dans cet épisode-là de croire que Osha ne pense pas comme elle, tu vois. Bref, Amandla fait vraiment... On parle beaucoup des autres, mais c'est pas facile de jouer deux rôles comme ça. Et vraiment, c'est une bonne grosse réussite. Et ensuite... tu sais quoi, le Light Whip de Vernestra, c'est cool. Parce que est-ce que ça veut dire que du coup dans Star le prochain jeu de Respawn avec Cal il aura le Light Whip vu qu'il continue de lui ajouter des différentes formes de sabre laser. Ça serait tellement bien. Moi je veux un, ah désolé mais tu m'as lancé. Moi je veux une stance genre sans arme. Juste il se bat avec ses poings. Ouais. Monk. Mais ça marcherait bien. Ouais, c'est ça. Non mais regarde God of War le fait vachement bien ouais. Pour les reboots là. Bon après Kratos c'est pas Calcestis, ils ont pas la même carte. Ah mais justement, Calcestis il est agile, il peut faire du kung-fu, tu vois. Il peut en plus pour le coup les CLN ils nous montrent que le kung-fu c'est possible dans Star Wars. Hein. Bah, donc, ah oui, totalement. Faites faire des saltos arrière high kick avec Cad là, putain. trop envie d'exploser des droïdes DK à coup de coude, descendre du coude. Et Deg Lariat là, oh putain, trop hâte. Oh oui. Moi aussi, j'ai rejoué au jeu là, encore une fois. C'est la deuxième fois de l'année que j'y joue et l'attente pour le prochain va être difficile, je le sens déjà, hein. c'est compliqué. J'ai trop hâte. Tout ça pour dire que c'est tout pour cette semaine. On se retrouvera la semaine prochaine pour discuter de l'épisode 7 de The Acolyte. Et on remercie chaleureusement Clara, Anthony, Aline et Adrien pour leur soutien sur Patreon. Et on vous souhaite une bonne chance pour votre prochain assassinat. Et n'oubliez pas... La paix est un mensonge. Bisous. Bye. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolades. Bisous. Mais non, mais alors attends, parce que là, en l'état, c'est ingouvernable, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais putain de merde, on est les premiers.